j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est le 37e jour du confinement, ça devient un peu relou de dire ça, on va pas se mentir. Mais si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, je vous conseille Réalité de Quentin Dupieux. Je suis en train de perdre les pédales. Y'a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir. Give me the tape or I'm gonna call your parents. Then I'll tell everyone you dress up like a woman. Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends? Jason, t'entras. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con? Eh, hey, Kubrick mes couilles. Réalité, c'est un film qui est sorti en 2015 et qui vous brainwash la gueule, voilà, globalement. Ça raconte l'histoire de Jason Tantra, qui est joué par Alain Chabat, qui veut réaliser son premier film d'horreur et qui va voir un producteur pour être financé, tout simplement. Et le producteur lui dit « Ok, je suis chaud, par contre, tu dois me trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. » Et tout ça en 48 heures. Sauf que bah il va essayer de faire son gémissement au milieu de trucs un peu chelous qui va se passer, genre un mec qui est déguisé en ours, enfin je crois que c'est un ours, il me semble que c'est un ours, je ne sais plus, ou alors quelqu'un qui se déguise en femme comme ça, on ne sait pas pourquoi, genre hors contexte, voilà. Et il a pas de souvenir de se déguiser en femme, le mec. Bref, voilà, des trucs un peu chelous, et en fait tout va se mélanger, quoi, le temps, l'espace, le tout, voilà, tout va se mélanger, ça va créer un assez gros bordel, et mon cerveau a explosé, voilà, tout simplement, c'est un bordel organisé, là, littéralement, vraiment, non, pas littéralement, parce que bon, bordel, au sens libre, bref, on va pas s'épancher sur ce sujet, non, mais c'est très bien fait, scénaristiquement, vraiment, c'est... À ce jour encore, le seul Quentin Dupieux que j'ai vu, et il faut que je me penche sur sa filmographie, parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé Réalité, c'est vraiment génial. Ça c'est exactement où ça va, voilà, clairement. Ça c'est vraiment exactement où ça va, même si il se passe des trucs, enfin, c'est le bordel dans le film, clairement, c'est le bordel. Voilà, on va pas se mentir, mais le film sait exactement où il veut aller. Voilà. C'est pas compliqué, clairement. Voilà, quand je dis que c'est organisé, c'est que malgré les bordels qu'il y a, bah, c'est organisé. Et c'est génial, voilà, Quentin Dupieux. Très fort, très très fort, Quentin Dupieux. C'est très bien réalisé. Forcément, ça joue. Bah, ça joue génial, quoi. Est-ce que vous avez besoin de moi pour savoir que Alain Chabat joue bien? Non, je ne crois pas. Je ne crois clairement pas. Voilà. Petite mention spéciale pour, encore une fois, Monsieur Dupieux, parce que Monsieur Dupieux, il fait pas que la réalisation, il fait le scénario. Bon, ça va encore. Il fait la photographie, ça peut aller. Il fait le montage, ça fait quand même beaucoup de rôles. Voilà. Clairement, il est fort. Il est fort. Il est très très fort, Quentin Dupieux. C'est un film où, quand même, vous allez rire. Voilà. C'est plutôt drôle. Ça va être une comédie. Il y a plusieurs intrigues en même temps, donc voilà, ça peut être assez compliqué à suivre, j'en ai conscience, surtout que bah au bout d'un moment vous allez faire attends quoi, qu'est-ce qui vient de se passer là, enfin voilà, c'est vraiment un film qui va pas, genre vous allez pas hop poser votre cerveau de côté, entre guillemets, je sais pas trop ce que ça veut dire cette expression, enfin bref, c'est pas un film où vous allez poser votre cerveau de côté, vous allez faire oh là là je regarde, non là c'est un film qui va faire appel à vos capacités intellectuelles, qui va vous mener dans tous les sens, voilà, tout ce qui se passe avec la cassette, c'est là où mon cerveau a déconnecté à ce moment là, voilà, il faudrait que je revoie le film parce que c'est quand même formidable et peut-être qu'avec un deuxième visionnage ça irait mieux. C'est assez marrant parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Zog, qui est une référence à Werner Herzog, qui est un réalisateur allemand, qui est connu pour ses fictions comme pour ses documentaires, voilà, bon, c'est un peu, voilà, ça caricature un peu, c'est toujours drôle. En fait c'est vraiment un film qui nécessite que vous le laissiez prendre le contrôle, voilà. C'est on en a déjà parlé de ce genre de film. En gros, il faut dire film, je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je te suis. Voilà. Je te suis dans tous les cas. C'est ça, c'est vraiment c'est ce genre de film où y a un scénario qui est quand même d'une belle complexité, même si je suis sûr que dans la tête de Quentin Dupieux c'est clair, moi dans la mienne ça l'a pas été. Je sais pas si on peut, oui, on peut comprendre ce film, on peut comprendre ce film. Je ne pense pas que j'ai compris ce film. Voilà, j'ai compris des éléments du film, je n'ai pas compris tout le film. Donc, en plus, c'est comme pas mal de films de Quentin Dupieux, c'est pas très long, ça fait même pas 1 heure et demie. Donc, ça se regarde vraiment facilement. Enfin, ça se regarde facilement. Il y a quand même ce côté, évidemment, ce côté compliqué, bah, ne pas oublier, dans le côté ça se regarde facilement. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un truc qui va être éprouvant. Franchement, j'ai pas relevé de défaut apparent. La BO est franchement cool, il y a une très bonne mise en scène, voilà. Donc c'est vraiment un très bon film en tout point et je saurais pas quoi plus en dire en fait, voilà. Juste regardez réalité, laissez-vous tenter par cette expérience parce que c'est une belle expérience de cinéma. Voilà. Ah oui, il y a quand même des petites apparitions. On a Thomas Bangalter, je ne sais pas si je le dis bien encore une fois, qui est un membre de Daft Punk qui apparaît dans le film, parce que c'est le mari de Élodie Bouchet, qui joue la femme d'Alain Chabat dans le film, enfin de Jason Tantra, le personnage d'Alain Chabat. On a également Michel Hazanavicius, voilà, qui vient faire une petite apparition. Donc si vous aimez bien ces deux personnes, ça peut vous motiver à voir le film, voilà, tout simplement. Le film est disponible à la location sur Orange VOD, Filmo TV, Canal VOD et La Toile, et il est disponible à l'achat sur Orange VOD, Canal VOD, Google Play, YouTube, Filmo TV et Apple TV. Voilà, c'était un épisode un peu plus court aujourd'hui, déjà parce que je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de passer du temps sur cette réalité, parce que il n'y a pas grand-chose à dire en fait, c'est vraiment une réussite, donc voilà, lancez ce film. Et surtout, je prépare des vidéos qui seront disponibles sur mon Instagram et sur YouTube. Donc c'est très important si vous ne me connaissez pas d'Instagram d'aller me suivre. Le lien sera en description de ce podcast et normalement il est déjà en description du podcast. Ou alors je dis de la merde, je ne sais pas. Mais voilà, c'est important d'aller me suivre parce que je prépare des vidéos pour vous dire ce qu'il y aura à voir en salle. Et ouverture des salles, voilà, parce que c'est très important de retourner en salle, de les soutenir, de soutenir aussi les petits films qui sortent, voilà, les petits distributeurs qui prennent la peine de sortir des films. Et par exemple, voilà, on va retrouver Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux, justement. Mais bon, ça, ce sera pour le week-end prochain, voilà, je l'annonce en exclusivité dans ce podcast, ce sera pour le week-end prochain les vidéos. Donc voilà, si vous avez été convaincu, n'hésitez pas à regarder Réalité parce que c'est formidable. Et sinon, je vous dis à demain pour une nouvelle recommandation.